te dis que je t'aime, alors je ne te le dis pas. Tu me vexeras si je te dis que je t'aime, alors je ne te le dis pas. Tu m'insulteras si je te dis que je t'aime, alors je ne te le dis pas. Tu me gifleras si je te dis que je t'aime, alors je ne t'aime pas.